Yeah, à force de demander pardon, le ciel m'a pardonné. Le soir j'enchaînais deux taf, car les couches c'est pas donné. Je me penchais sur ton berceau, je me nourrissais ta lumière. Et comme elle venait du ciel, honore le nom de ta grand-mère. Il a fallu assumer, alors je prenais sur moi. Pas de resto, pas de ciné, 900 euros par mois. Plus d'argent à compter, très peu de gens sur qui compter. Ta grand-mère était pauvre et ton père n'est pas diplômé. On a choisi de te garder, sans jamais hésiter. J'ai dit au revoir le parquet, bonjour la maternité. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les dangers, je me rappelle qu'un matin, pour moi tout a changé. Depuis ce fameux matin, impossible à décrire, où je t'ai pris dans mes bras, je t'ai regardé sourire. Je t'avais tellement revu, je t'ai tout de suite aimé. Ce jour un homme a changé, ce jour un homme a changé. Depuis ce fameux matin, impossible à décrire, où on t'a pris dans nos bras, où tu nous avais souri. On t'avait tellement rêvé, déjà 9 mois qu'on t'aimait. Ce jour un an gêné, j'en suis les jours meilleurs. Ta mère a su rester forte, elle mit de côté le lycée. Face aux galères de toutes sortes, échange poussette et cahier. On vivait dans un studio, sans enceinte, sans micro. Pas d'argent pour le resto, ta mère n'est pas une michto. Dans un salon sans plasma, sans lecteur DVD. Mais je l'ai jamais vu se plaindre, elle faisait les courses à ED. Vrai qu'on menait une vie simple, on se baladait sur les champs. Je la voyais baisser le regard, devant la boutique Longchamp. Cours par correspondance, entre deux couches Pampers. Ta mère est une femme forte, une reine, une ghetto déesse. Je me rappelle tes premiers pas, elle t'a appris à marcher. Et tu trouveras dans ses bras ce que nul ne pourra t'acheter. Depuis ce fameux matin, impossible à décrire, où je t'ai pris dans mes bras, je t'ai regardé sourire. Je t'avais tellement rêvé, je t'ai tout de suite aimé. Ce jour un homme a changé, ce jour un homme a changé. Depuis ce fameux matin, impossible à décrire, où on t'a pris dans nos bras, où tu nous avais souri. On t'avait tellement rêvé, déjà 9 mois qu'on t'aimait. Ce jour un an gêné, j'en suis les jours meilleurs. Impossible à décrire, où je t'ai pris dans mes bras, je t'ai regardé sourire. Je t'avais tellement rêvé, je t'ai tout de suite aimé. Ce jour un homme a changé, ce jour un homme a changé. Depuis ce fameux matin, impossible à décrire, je t'ai pris dans mes bras, je t'ai regardé sourire. Je t'avais tellement rêvé, je t'ai tout de suite aimé. Ce jour un homme, je n'ai jamais.